François Morel, à vous. Qui sont les 127 personnes qui ont été sauvées durant le deuxième semestre 2018? Moi, c'est la question que je me pose parce que les personnes qui disparaissent dans les accidents de la route, il suffit d'ouvrir le journal local pour connaître leur nom, mais les personnes sauvées, ça reste un mystère. C'est peut-être vous, c'est peut-être moi, on n'en sait rien. En effet, depuis le passage de la vitesse de 90 km/h à 80 km/h, 127 vies ont été épargnés, mais on ne sait pas lesquels. Si parmi ces 127 personnes, des auditeurs de France Inter se reconnaissaient, ce serait bien qu'elles puissent se signaler afin de savoir ce qu'elles ont décidé de faire de leur vie sauvée depuis ce deuxième trimestre 2018. Parce que si c'est pour rien faire de votre vie, c'était pas tellement la peine de faire tout ce ramdam qui aura quand même bloqué pas mal de ronds-points, notamment durant le premier semestre 2019 et qui aura coûté, selon la délégation à la sécurité routière dépendant du ministère de l'Intérieur, la rondelette somme de 10 millions d'euros, notamment pour les frais d'achat et d'installation des nouveaux panneaux. C'est un investissement pour le gouvernement. 10 millions d'euros pour 127 personnes, ça fait une vie humaine évalué à 78 740 euros. Surtout que c'est un peu à perte, vu que déjà chaque Français porte individuellement la dette publique à hauteur de 34 595 euros. Investir dans un individu qui est déjà un panier percé, demander à Dominique Seux, c'est pas raisonnable. Évidemment, tous les bobos, monsieur Thomas le Grand Tête, tous les parigots, n'ont jamais tout à fait compris la réaction que cette mesure a générée. Ils se disent, pourquoi se battre pour garder 10 km/h supplémentaires alors que de Bercy à la porte de la chapelle, c'est quasiment impossible d'atteindre cette vitesse. C'est juste, mais à la campagne, il reste quelques tronçons routiers sans séparateur central, sans barrière, sans terre-plein, mais avec une bonne visibilité qui permet quand même d'appuyer un petit peu sur le champignon. Pour revenir aux 127 personnes rescapées, ce qui aurait été avantageux, ça aurait été au moins de pouvoir les choisir afin que l'investissement ne soit pas totalement perdu. De toute façon, dans l'avenir, ces 127 personnes ont du mouron à se faire puisque l'amendement du groupe République En Marche et En Roue Libre renvoie au président de conseil départemental la responsabilité de définir la vitesse sur certains axes. Donc, très prochainement, nous pourrons obtenir un classement qui permettra de connaître les présidents de conseils départementaux qui auront augmenté la mortalité routière. On attend avec impatience la communication de la délégation routière sur le coût de cette nouvelle mesure. Si, dans un département, on rétablit la vitesse à 90 km/h et qu'aussitôt un automobiliste meurt en roulant, par exemple, à 86 km/h, on pourra décider de situer la vitesse autorisée à 85 km/h. Voilà. On va faire l'Europe, c'est prévu bientôt, demain, dans les jours qui viennent, enfin, dès que possible. Quoi qu'il en soit, l'harmonisation européenne interviendra juste après la désharmonisation départementale. Merci François Morel.